passé l'école. Depuis moi t'es tout petit garçon, c'est musique moi t'es invité. Et l'arrivée c'est ça moi choisi, même si moi t'en dis si c'est vagabond. Moi ni on les amis musiciens, faut pas y jamais oublier. Non, mais c'est pas vagabond, pas vrai. Yes, c'est vrai. Qui j'en vais trouver guitare.